Édition de février 2013. Bonjour et bienvenue à cette quatrième émission de la deuxième série du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Vous excuserez ma voix, mais toux, fièvre et congestion ont ce drôle d'effet sur mes cordes vocales. Nous débutons cette émission là où nous avons arrêté la précédente, c'est-à-dire avec la deuxième partie de l'entrevue que nous a accordée Gabriel Jean, l'homme derrière les voix de Pépère, de Mac et de l'annonceur dans le PC Show. On l'entendra également dans la prochaine production des aventures de Massas Pavel d'André Bory. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir doubler certains épisodes des Transformers? Et justement, pourquoi les Transformers plutôt que toute autre série? Doubler les épisodes des Transformers, en fait, il y a plusieurs aspects qui ont fait que j'ai fait ce choix-là. Le premier, c'est que j'ai découvert les fandubs avec les doublages amateurs anglophones qui se font sur ces séries-là. Il y a énormément de matériel au Japon qui a été publié pour les Transformers, mais qui ne s'est jamais rendu aux États-Unis ou en Europe. Donc, quand je me suis rendu compte que les épisodes japonais, que j'avais surtout vus avec les voix originales, que je ne comprenais rien, puis, en tout cas, il y avait un doublage anglophone qui a été fait par les gens qui font des doublages de films de Godzilla, mais c'était horrible. Ça n'avait pas de sens. Donc, quand j'ai vu qu'il y a une équipe anglaise d'Ontario qui avait commencé à faire le doublage amateur avec des voix plus appropriées aux personnages, une qualité audio supérieure aussi, je m'étais dit, ben coudonc, s'ils sont prêts à partager leur matériel, ça vaudrait peut-être la peine que je me décide à le faire en français parce que je sais que le public francophone est très confus au niveau des séries japonaises. Donc, je me suis impliqué dans le projet anglophone, puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à rouler le projet francophone d'une des séries, qui roule encore toujours. On est sur le projet depuis 2004. C'est certain que ça avance avec le temps que j'ai, puis quand j'ai un enfant qui naît, ben généralement, il n'y a pas de fandub cette année-là. Mais dans les autres années, on réussit à en sortir à peu près, je dirais en moyenne, 3 ou 4 par année. C'est pas mal, là. En considérant l'ensemble de travail que représente un seul épisode. C'est sûr, il y a 34 épisodes dans la série qu'on est en train de faire présentement. On est rendu au 16e. Donc, c'est ça. L'autre raison pourquoi j'ai choisi, c'est surtout parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de confusion au niveau du public francophone qui écoutait ces épisodes-là, soit en japonais mal traduit ou avec des sous-titres pas fiables. Donc, les événements étaient mal répertoriés, étaient difficiles à suivre. Puis bon, je me suis dit, ben, tant qu'à faire ça, on va faire un doublage amateur qui va réintégrer ces séries-là dans les continuités qui sont bien établies dans les langages qu'on connaît en français et en anglais. Les Japonais avaient un petit peu décidé de faire leur propre histoire avec ça. Il y a énormément de matériel qui coïncide, c'est parfait, mais il y a beaucoup de choses qu'il y a moyen de raccommoder avec la continuité que les fans américains connaissent. Donc, voilà, ça fait partie un petit peu du fandub, pourquoi j'ai choisi ça. J'en connais beaucoup, beaucoup trop sur les Transformers, donc ça me permet justement d'utiliser ça pour rajouter de quoi de plus pour les fans qui connaissent ça autant que moi. Donc, ils vont toujours trouver une référence de plus dans les projets qu'on fait. Pourquoi cette série-là plus qu'autre chose? Ben, c'est un autre lien à ça, c'est que j'ai beaucoup de connaissances sur ces produits-là, sur les Transformers au cours des années. Faut bien s'entendre, c'est pas quelque chose qui est utile à tous les jours non plus de connaître tout ça. Donc au moins, ben ça me permet de justifier le paquet de savoir que j'ai accumulé au fil des ans sur ces personnages-là, sur ces séries-là. Oui, je vois. Tu es un membre important des éditions de l'avenir. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire de l'audio? Ce qui m'a amené à vouloir faire de l'audio, ben c'est que ça découle un petit peu du doublage amateur que je faisais déjà. Ça me permet de jouer des personnages. Chose qu'en tant qu'acteur de formation, je dirais, j'ai toujours l'envie de faire. Donc, faire de l'audio, ça m'a permis carrément de sortir de ma zone habituelle, donc les Transformers, puis tout ça. Entre autres, m'impliquer avec les éditions de l'avenir, ben, ça m'a permis de jouer dans des séries de science-fiction, des séries comiques. J'espère éventuellement terminer la lecture du chapitre d'audiobook que tu m'as demandé. Ça me permet de toucher à d'autres aspects du métier, parce qu'il faut pas se le cacher, c'est un métier que j'aimerais pratiquer éventuellement. Peut-être pas de façon régulière, mais pour arrondir mes fins de mois, je crois que j'ai assez de talent pour le faire et c'est une question de temps, là. Ah, ça c'est sûr, aucun doute là-dessus. C'est pas que mon travail en tant que tel me plaît pas, au contraire, j'adore mon travail, mais cette activité-là aussi est quelque chose qui me passionne. Donc, faire de l'audio, ben voilà, ça me permet de combler un autre manque que j'avais, j'imagine. Dans le fond, je le fais surtout pour m'amuser. Je veux dire, je contrôle rien dans ces projets-là. Donc, je fais ce qu'on me demande et puis j'attends le résultat. Donc, ça fait du bien d'être de l'autre côté de la caméra, si on veut dire. J'en profite aussi pour faire des voix dans un projet d'animation en stop animation avec un autre gars avec qui je fais du fan dub. Donc, c'est ça, ça fait partie des projets que je me fais juste pour m'amuser, moi, dans le fond. Donc, tout ce que je fais en audio, c'est vraiment juste pour le plaisir. Et quels sont tes prochains projets, en audio ou autre? Prochain projet. Bon, écoute, il faut que je termine Headmasters, là, mon projet de fandub principal. C'est certain qu'une fois que lui va être terminé, je planifie, en tout cas, j'aimerais ça que ça roule assez rapidement dans l'année prochaine pour qu'on puisse peut-être le terminer en 2 ans. Je vais avoir mon projet d'animation 3D que je dois finir pour 2016. Ça, je me suis fixé un deadline et j'ai l'intention de le respecter. Après ça, c'est certain que je vais continuer en fandub parce qu'il y a 3 séries au total au Japon qui ont été faites. Puis bon, Headmasters en est seulement une. Donc il y a un Master Force. Après ça, il y a Victory. Puis il y a un épisode qui dure 45 minutes qui s'appelle Zone aussi, qui est la fin de la série japonaise. Donc, j'ai l'intention de tout doubler ça avec des fans. Ça prendra le temps que ça prend. Ensuite, bon, il y a énormément. Si je reste dans le monde de Transformers, il y a au-dessus de 8 autres séries qu'on pourrait toujours faire en fandub juste pour s'amuser. Donc, c'est certain qu'il y a d'autres choses que je vais pouvoir faire après. Je m'inquiète pas côté hobby ou projet. Récemment, il y a Merzline de Doublage Libre qui m'a demandé de faire partie d'un de ses projets. Je vais d'ailleurs faire l'enregistrement tout de suite après cette conversation. C'est 3-4 répliques pour un personnage. Il m'a demandé si je pouvais être disponible pour en faire plus, un personnage principal, mais j'ai préféré lui dire que je vais plutôt me contenter de personnages secondaires à l'occasion, donc quand il a besoin de moi, il me contacte. Ensuite, c'est pas mal ça. J'ai pas vraiment d'autres choses de prévues de ce côté-là. Bon, côté personnel, c'est certain qu'il y a d'autres enfants qui s'en viennent. On en veut 6 au total, donc on s'entend que ça, c'est le projet principal. Eh boy, 6! De ce projet principal-là découlent bien des choses comme des rénovations de maison. Oui, il y a beaucoup de choses au côté personnel comme projet. Donc, c'est certain que tous les autres projets amateurs que je fais, c'est du hobby. En fait, dans l'année prochaine, si tout va bien, le dernier projet que j'ai, c'est que j'ai l'intention de participer dans voice123.com, qui est une compagnie de doublage professionnel, mais qui engage des gens qui n'ont pas nécessairement l'expérience ou qui ne sont pas, comment dire, membres des unions mondiales pour la production audio. On parle ici des compagnies qui ont des systèmes téléphoniques, des choses comme ça, des petites promos de 30 secondes. Des publicités plates qu'on entend à la radio, généralement, c'est des gens de là qui sont engagés. Dans le fond, moi, je veux faire ça parce que ça serait le fun d'être rémunéré une fois de temps en temps pour ce travail-là que je fais, qui me fait plaisir. Puis, dans le fond, s'il me permet d'arrondir un petit peu une fin de mois une fois de temps en temps, ben, c'est pas quelque chose qu'on dit non, hein? Non, en effet. Ah, il y a des sites internet que tu veux que l'on visite au CV? Ah, des sites internet où je visite. Écoute, dans la dernière année, ça a pas mal été juste Facebook. Puis encore là, je suis beaucoup moins présent que j'étais parce que j'ai vraiment d'autres choses à faire de ce temps-ci. Quand j'ai du temps pour m'asseoir devant l'ordinateur, ben généralement, j'en profite pour travailler sur un de mes hobbies. Donc, je passe moins de temps à côté social. Sur Facebook, il y a toujours moyen de me trouver. Ma page s'appelle Cypherplex, Cypherplex. D'ailleurs, c'est mon nom d'usager un petit peu partout. Sur YouTube, entre autres, mes fandubs sont publiés là. Donc sur YouTube, c'est ça, c'est avec le nom d'usager Cypherplex encore. Il y a le site web de Transformers francophone que je fréquente peut-être moins souvent cette année, mais j'y vais quand même régulièrement. C'est un site de nouvelles principalement, mais il y a aussi une belle communauté qui se contacte à travers du forum qui est disponible là-dessus. Donc, TransformersFR.com. La communauté existe depuis au-dessus de 16 ans, donc c'est vraiment le gros endroit de la francophonie pour discuter Transformers. Au point même que justement, les doublages québécois des trois films de Transformers qui ont été faits ont utilisé certains des matériaux de référence de ce site-là parce qu'ils ont été conscients qu'il y avait une base francophone de fans qui s'attendaient à avoir certaines informations. À ce que certains termes soient respectés, certains noms, certaines affinités. Donc, ça a été amusant de se rendre compte dans le doublage qu'on avait été consulté. Ah oui, j'imagine. Donc, je salue mon ami Denis, qui est l'administrateur et le dévoué webmestre de ce site. J'y ai rencontré plusieurs des gens avec qui je fais du fandub aussi. Donc, Jean-François, Gabriel, ben, pas moi, là, un autre Gabriel. Patrick, mon Dieu, qui d'autre? Il y a Raphaël, vous êtes tellement nombreux, on est pas mal tous là. Ah, Marco, ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé avec Marco, mais il est encore là. Bon, en tout cas, il y a tellement de monde sur ce forum-là, c'est super. Même les gens qui connaissent pas trop Transformers peuvent venir faire un tour. Premièrement, on est très accueillant, et puis deuxièmement, ben, c'est une belle place pour apprendre c'est quoi les Transformers. Ça s'en vient gros, les amis, là. Ensuite, d'autres endroits sur Internet où je suis, il y a mon site DeviantArt où est-ce que je vais mettre les images 3D que je génère, soit pour des projets de 3D ou pour mon projet d'animation. Donc, xsilverboltx.deviantart.com. Donc, xsilverboltx.deviantart.com. deviantart.com. Dans le fond, toute ma galerie de dessins plus ou moins professionnels est là. Oh, ben, il y a doublage libre, bien entendu. L'endroit où on s'est connus, en fait, t'avais fait une recherche pour quelqu'un qui serait prêt à faire des voix dans ton projet de Mazas Pavel. Puis c'est là que j'ai embarqué dans les éditions de l'avenir. Donc, de ce côté-là, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins actif, mais je participe quand même à certains projets, surtout ceux de Merzlin, quand ils me contactent. Ensuite, il y a FandubFR. Je travaille surtout avec des gens là parce que bon, ça donne que soit ils font du fandub en français dans les Transformers, ou j'ai participé dans leur projet, ou c'est tout simplement des gens géniaux que j'ai rencontrés comme ça. Je passe un peu de temps de ce côté-là des fois. J'écoute des fandubs, je laisse mes commentaires. C'est certain qu'il y a des gens là-bas, le fandub, c'est un hobby qui est nouveau pour eux. Alors moi, j'arrive, j'ai beaucoup d'expérience et puis des fois, je leur fais peur avec mes commentaires. Donc, j'ai tendance à plutôt laisser mes commentaires tranquilles, puis à juste écouter, puis à faire des petites notes maintenant parce que je me suis rendu compte qu'au début, mes commentaires poussés et vraiment élaborés faisaient que les gens se fâchaient finalement, puis trouvaient que je critiquais trop. Alors que c'est pas ça mon but, donc je me retiens un peu plus maintenant. En espérant qu'ils vont prendre assez d'expérience pour qu'un jour je puisse dire Hey, j'aimerais ça t'avoir dans mon fandub. Alors voilà, c'est pas mal les sites que je hante, mais comme je dis, c'est dans la dernière année, j'ai été beaucoup moins présent. Ok. Alors remarque que ça se comprend. Hein? Question de temps à un moment donné. Et parlant de temps, on va mettre fin ici à notre entretien, histoire de ne pas trop abuser justement de ton temps. Hein? Merci beaucoup, beaucoup, Gabriel. Ben, ça m'a fait plaisir, Christian, puis à la prochaine. Et voilà. Une fois de plus, un gros merci à Gabriel pour sa générosité et pour s'être prêté au jeu. Passons à l'anecdote humoristique d'Aristide Filiatreault. Tirée de Contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatreault, les éditions de l'Avenir présentent Le coq à la mère supérieure. Un jour, le curé de Saint-Thé rendait visite à la mère supérieure du couvent. Il la trouva dans un état impossible à décrire, tant était navrant sa détresse et son ennui. Le curé, bon enfant, lui demanda la cause de cet ennui. « Oh, monsieur le curé, un grand malheur nous est arrivé. Imaginez-vous que nous avions mis 12 couvées d'œufs avec un 13e sous autant de poules et nous n'avons pas eu un seul poulet. »« Ma révérende sœur, il faut bien se résigner. À quelle cause attribuez-vous cette affliction ?»« Je n'en sais absolument rien, monsieur le curé. » Les œufs ont été pondus par nos poules, ici même. Je ne comprends pas du tout et je cherche à me rendre compte. Ma bonne sœur, c'est probablement la faute du coq. Mais non, monsieur le curé. C'est impossible. Nous n'avons pas de coq. Voyons un peu ce que Jean Seb, notre chroniqueur, nous a préparé. Merci Christian, ici Jean Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des Éditions de l'Avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Ce mois-ci, il me fait très grand plaisir de vous convier, tel que promis précédemment, à une entrevue avec les auteurs de la saga Gensio Reva. Le mois dernier, je vous ai défilé la liste de l'incroyable diversité des sagas chez Netophonics. Pour ce faire, j'en ai donc écouté beaucoup, et pour plusieurs d'entre celles-ci, j'ai écouté tous les épisodes. Une saga a cependant attiré mon attention de par son originalité, par la performance de la production, l'histoire trépidante, le rythme, l'intrigue et surtout l'excitation que cette saga a produite en moi, lors de l'attente des épisodes suivants. Je ne suis pas le centre du monde. Il y a un an, je suis Gensio Mostinel. Il y a un an, on m'a retrouvé mort après une fusillade dans une banlieue de Paris. Le monde a bien changé, Gensio. Le chaos s'est peu à peu propagé sur la Terre après le cataclysme. C'était une guerre civile mondiale. Je suis mort parce que je pillais une supérette. On t'a ressuscité, Gensio, car tu as un grand rôle à jouer dans ce nouveau monde. Je suis le monde de Reva Reva. Je suis un interprète. Non, c'est pas possible. Finalement, Ena, tu avais raison. C'est bien lui la clé de ce monde. D'abord, nous sommes tu n'es pas seul. Gensio. Mais Gensio, tu seras mon arme. Il n'y a que toi qui puisse le vaincre. Je suis un interprète. Ils sont les défenseurs de l'humanité et de notre nouveau monde. Le monde de Reva. Comme pour quelques autres sagas, j'ai été voir leur site internet, sympathiquement intitulé « Filtre d'humour », pour en savoir plus sur la série, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé en contact avec ces deux sympathiques lurons que sont Riku. Bonjour. Et Selkio. Salut. Bien le bonjour à vous aussi. Pourriez-vous tout d'abord me dire d'où vient le titre de votre site internet, « Filtre d'humour », et comment ça a débuté? Eh bien, c'est une longue histoire. C'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire. Tout a commencé quand j'avais 4 ans. Bah, qu'est-ce qu'est le filtre d'humour? Eh bien, c'est parti de quand on avait 16 ans. On avait 16 ans. Ouais. C'était en seconde. En seconde. Ouais. Quand on était en seconde, on avait écrit des histoires qui nous fait rire pendant qu'on... pendant des cours, on s'emmerdait beaucoup. On faisait rien pendant ces cours et du coup, on écrivait. Et on avait écrit les histoires de Tantouzman et Bicugnou. Célèbres. Deux personnages qui nous faisaient rire et... qui étaient d'ailleurs des caricatures de gens qu'on connaissait bien. Ouais, voilà, exactement. Dont notre prof de maths. Ok. Parallèlement, on écoutait des sagas MP3 du genre Durandal avec Banal Fantasy, JBX avec Profil d'Acide, etc. Puis un jour, on s'est dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Surtout que, bah, sur des forums, on avait vu que c'était facile de faire ça avec Audacity. C'était faisable. C'était faisable, et donc, du coup, on s'est lancé. On s'est lancé. On est resté pendant un an et demi anonyme, pendant deux ans on a été anonyme. On produisait nos épisodes mais on les a jamais mis sur internet. Ouais, c'était pour les copains. C'était pour les copains et puis pour nous et puis un jour bon on a essayé, on s'est pris une grosse tape parce que Tantouzman et Bicugnou dans les premiers épisodes c'était dégueu. C'était vraiment bah, c'était des débuts quoi, on a tous commencé quelque part. Voilà et du coup ben on a fait notre chemin pendant 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on fait de la saga MP3. Et puis, on a cherché un nom pour notre site, pour notre équipe, parce qu'on n'était pas un seul auteur. Non, on était deux. Alors, il fallait un nom d'équipe. Pour représenter Selkirikou, ce serait le filtre d'humour. OK. Ça nous montre bien votre côté sérieux du début. Moi aussi, j'aimais bien rire des professeurs lors de mon passage à l'école. Je crois que c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Probablement causé par le sentiment de supériorité des professeurs vis-à-vis des élèves. Bon, OK. Pourriez-vous me dire en quoi consiste la saga de Gensio Reva? Ben, en fait, à la base, pour ne pas trop en dire... Ouais, parce que quoi qu'on dise, on risque de spoiler, en fait. Ouais, en fait, c'est tout le souci. C'est tellement compliqué que... Comment vous dire? C'est venu. Voilà. Bah, en fait, Bonne soirée. Sureva, Gensureva, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se réveille après un an de coma, un jeune homme de 21 ans, qui se réveille dans un monde détruit, qui est leur, qui est le nôtre, la Terre. Détruit complètement, post-apocalyptique, avec des créatures maléfiques qui veulent éradiquer le peu qui reste de l'humanité. Qui s'appellent les Maras. Et puis, Gensio, il s'avère qu'il a la possibilité de développer quelques pouvoirs magiques, surnaturels. De modifier l'espace et le temps. La matière. C'est un interprète. Et donc, voilà, la saga retranscrit ses aventures. Mais ça, c'est la face visible. Ouais, c'est de l'iceberg. Le tout petit bout visible, parce que si on en dit un petit peu plus, c'est l'invisible qui n'est pas encore sorti et qui va spoiler absolument tout. Là, on vous a fait une présentation vraiment brute. C'est très succinct. Voilà. Et entre vous deux, qui fait quoi? Ben, pour répondre à cette question... Ben, en fait, c'est... Comment dire? C'est plutôt particulier. Qui fait quoi? Ben, on va dire que tout ce qui est fait, c'est le filtre d'humour qui le fait. Voilà. Bonne soirée. En fait, c'est complètement un travail de coopération, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait l'un ne peut pas être validé sans l'autre, en fait. Les scripts, c'est Selkio. Et les montages, c'est Riku. Les montages, c'est moi. Mais Riku a un énorme talent pour ce qui est de monter des épisodes et de réussir à retranscrire une ambiance bruitage. Et Selkio a beaucoup de talent pour choisir une musique qui colle absolument parfaitement à une situation. Je t'en remercie. Moi aussi, je t'en remercie. Ah, on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup. Des fois, on est très amoureux. C'est un travail d'équipe. À la base, le script et les musiques, c'est moi. À la base, le montage et l'ambiance bruitage, c'est Riku. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Quoi. Voilà. Pourriez-vous me dire d'où est venue l'idée de Gensio? Disons que, en fait, c'est un scénario qui est très ambiance... sur le forum de Netophonix, beaucoup de gens disent que c'est une ambiance shonen. Moi, j'aurais pas envie de parler de shonen, parce que si on parle d'un shonen, on pourrait dire que, genre Pokémon, où l'ultime but est devenir le meilleur des maîtres Pokémon. Oui. Alors que rêve de beaucoup de monde. Gensio Reva, en fait, c'est un scénario, c'est une histoire épique, avec une ambiance musicale, une ambiance bruitage, mais le but est que derrière, il y a une histoire parallèle qui refera voir entièrement l'histoire. Il y a vraiment une face cachée de l'iceberg. Une très grosse face cachée. Très grosse face cachée. Mais là, si tu dis un mot de plus, tu spoil. Carrément. Alors, je dirais juste que toutes les scènes, tous les dialogues présentés dans Gensio Reva ont un but et un sens précis. Voilà, Gensio Reva. Ah, c'est trop bref. Écoutez, les gars, je veux la suite. Bon. Je sais pas si c'est déterminé à l'avance, mais combien qu'il va y avoir d'épisodes qui nous attendent dans la saga de Gensio? Eh bien, on a prévu 2 cycles. Ouais. Qui ont chacun... En fait, c'est pas qu'on a un nombre d'épisodes prévus, c'est qu'on a... On a un nombre de cycles et de chapitres de prévus. C'est-à-dire qu'on a prévu 2 cycles, de chacun 3 chapitres. C'est ça. Par exemple, le premier chapitre du cycle 1 qui est sorti entre les vacances d'été et maintenant fait 9 épisodes avec l'épilogue. Voilà. 10 avec le prologue. 10 avec le prologue. On va dire que le deuxième chapitre sera aux alentours de 5 ou 6 épisodes. Et ensuite, incapable de vous dire pour ce qui sera de plus tard. Mais tout du moins, on aura 2 cycles de 3 chapitres chacun. Ouais, en gros, il y aura 6 chapitres, quoi. Voilà. Disons que le scénario est déjà pensé et que ça a été segmenté en chapitres. J'imagine que vous n'avez pas juste Tantusman et Bikenew et Gensio Revor. C'est quoi vos autres productions? Eh ben, on a commencé la saga MP3 avec Tantusman et Bikenew. On a récemment terminé. Qui est dans un style complètement différent. Oui, complètement différent de Gensio Revor. Et donc, en fait, pour être clair, Tantusman et Bikenew, c'est le symbole de notre progression. Ça fait 5 ans qu'on fait de la saga et c'est la saga qui nous a suivis depuis le début. C'est-à-dire que si vous écoutez Tantusman et Bikenew du début jusqu'à maintenant, vous allez, faire grossir mes chevilles de façon exponentielle, tu vois la progression au niveau de la qualité de jeu, de la qualité d'enregistrement, de la qualité de montage et surtout l'évolution de l'humour dans la saga MP3. C'est notre bébé, quoi, en fait. C'est celui avec qui on a grandi. Voilà. Disons qu'en fait, si vous voulez, Tantusman et Bikenew, c'est une histoire d'amour. Voilà. C'est notre bébé, c'est avec ça qu'on a commencé, ça a été un déchirement de l'arrêter, mais en même temps, ça n'a jamais eu de succès. Ça a jamais bien plu. Ça a jamais bien marché, il y a quelques fans qui nous suivent, qui ont apprécié, mais ceux-là, on les remercie chaleureusement. Ah oui, beaucoup. Ensuite, notre autre production, c'est... Pokébip. C'est Pokébip, qui est un délire, en fait. C'est venu rapidement comme ça. En fait, on peut considérer ça comme un petit bonus. Quoi. Voilà, c'est un petit bonus qu'on fait quand on a le temps de le faire. Or, depuis Gensio Revor, on n'a plus du tout le temps de le faire. Plus beaucoup de temps, oui. C'est simplement une parodie de Pokémon. C'est une parodie de Pokémon très cynique, en fait. Oui. C'est vraiment une vision très adulte, enfin adulte. Pas l'ambiance bon enfant qu'on pourrait retrouver dans Pokémon. Oui, voilà, c'est... C'est vraiment Pokémon vu d'un point de très vue... Très différent de ce qui a été fait là-dessus, quoi. D'un point de vue cynique, quoi. Petites expériences qu'on peut avoir en jeu. C'est vraiment pour se marrer, papa. Il n'y a pas d'autre projet. Les gars, vous êtes super sur toute la ligne. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. Bref, oui. Ça fait un plaisir. Merci de nous avoir invités. Au plaisir de la prochaine fois. Et puis, t'as d'autres questions, si quelqu'un a d'autres questions, allez sur notre site, envoyez-nous un mail. Ce sera avec grand plaisir. Ou une carte postale. Ce sera avec grand plaisir d'y répondre. Un colis poste avec de l'argent. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Alors, pour entrer en contact avec Selkio ou Riku, depuis Netophonix, bien sûr, et aussi leur site web, filtredhumour.com. Voilà qui conclut ma capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'avenir. Et on reprend ça le mois prochain. Au revoir. À vous, Christian. Ben, puisque vous voulez rien spoiler de plus, je vais me venger en vous posant une question choc. Est-ce que vous pourriez me dire qui est le plus fort entre la puce du Sahara et le cafard du Bayou, hein? Non, la puce. Ta gueule. Le Sahara, c'est vaste, c'est chaud. La puce, elle a plein d'endroits pour se promener, sauter oui, mais sur bayou, les chameaux. Le Bayou, c'est hostile. Donc, un cafard qui vit dans le Bayou s'adapte et devient une arme une machine à tuer. Et la puce dans le Sahara, tu crois qu'elle s'adapte comment pour trouver ça? Elle se cache, la puce. Non, pas forcément. T'as jamais vu une puce du Sahara tuer un chameau de ses mains? Et pourtant, elle rentre dans ses narines. Elle mange de l'intérieur. La puce? Jusqu'à ce que ses yeux sortent de ses orbites. Et qu'ensuite, du sang coule de ses oreilles. C'est la preuve que la puce est puissante. Tombe au sol. Oui. Donc la puce a battu un chameau? Oui, mais je peux te parler des productions du cafard du Bayou. Je t'ai jamais dit, mais j'ai toujours rêvé d'avoir une cabane dans le Bayou. C'était notre grand délire avec Alexandre. Tu es un garçon très spécial. On voulait avoir notre maison, tous les deux. Tu vois le délire Brokeback Mountain? Ouais. Et ben, pareil. Ah ouais. Mais complètement platonique. Ah oui, absolument, oui. Dans une cabane qu'on aurait... pas des moutons, mais des alligators. Dans une cabane qu'on aurait construit nous-mêmes et qu'on vivrait tous les deux dans le Bayou. D'ailleurs, pendant les cours de philo, on avait fait le plan de notre baraque. Et on avait un alligator de compagnie qui s'appelait Dundee. Dundee? Ouais. Et qui venait... Pourquoi? Parce que Crocodile Dundee. Ça produit, ça ne tue pas. Ça mange des humains. Un cafard mange des humains? Oui, monsieur. Explique-moi, hein. Comment ça? Oh, putain, gueule, j'ai envie de parler de ça. J'ai gagné. La puce du Sahara est donc plus puissante que le cafard du Bayou. Voilà ta réponse. Merci. Mille merci, Jean-Seb. Poursuis le beau boulot. Place maintenant au feuilleton avec Mazas Pavel, les arènes d'Aubioche d'André Bory. Le mois dernier, les pirates avaient pris possession du Pierre le Grand, le vaisseau prison sur lequel il devait être livré sur une planète prison. Mazas et ses amis étaient donc prisonniers et discutaient de leur avenir. Roumla expliquait qu'il avait été forcé de les trahir. Nous en étions donc à la quatrième partie du chapitre 3. Chapitre 3, quatrième partie.

Comme l'orstornier ne réagissait pas, un des pirates reprit. Lugan a demandé qu'on te loge dans la même cellule que ton colonel si tu t'en irais. Apparemment, il avait raison d'y croire, car moi j'aurais juré que tu allais y rester malgré les soins du robot médic. Si tu avais vu dans quel état tu as été amené ici, tu aurais pensé comme moi. Bon, tu vas maintenant bien gentiment te laisser faire lorsqu'on te mettra des fers aux pieds. Et ne t'avise pas de jouer au plus fin, car j'ai la gâchette facile. Pendant que l'un des pirates soudait les anneaux autour de ses chevilles, l'autre le tenait sous la menace de son radiant. Il se tint immobile, se contentant de constater que la longueur de la chaîne qui reliait les menottes l'obligerait vraiment à faire de petits pas. Parfait! Énonça celui qui venait de l'entraver. On va pouvoir y aller! Sans un mot, en trottinant, le prisonnier se dirigea vers la porte de la salle de soins. Chapitre 3, cinquième partie. Dire que Mazas et ses compagnons d'infortune furent soulagés en voyant l'oxytornien faire son entrée dans leur géole ne serait qu'un plaisant euphémisme. Il s'était suffisamment posé la question de savoir s'il était toujours en vie. Mais c'est avec gêne qu'ils regardèrent la manche vide qui pendait le long de son corps. Voyant leur mine contrite, Carlo Dobar tenta de plaisanter. Oh, avec l'épaisseur de peau que j'ai, il faut plus que quelques thermoradiants pour m'envoyer de l'autre côté de la barrière. Quant à mon abattis, à la première occasion, je m'en ferai mettre un en terconite. Sa réflexion détendit un peu l'atmosphère, et Melbar Kazam entra dans son jeu. « Alors tu vas vraiment devenir imbattable au bras de fer ?» Quelques minutes plus tard, et malgré ses protestations, le lieutenant était installé sur l'une des couchettes. « Après ce que tu as vécu, il faut te reposer !» énonça l'étrusien d'un ton péremptoire. Quand, 2 heures plus tard, les pirates rapportèrent un chariot plein de nourriture, ils trouvèrent les captifs calmement allongés sur leurs lits étroits. Seul, Kazam était assis contre le mur, toujours solidement attaché à la cloison. « J'ai besoin d'aller aux toilettes! Alors détachez-moi de cette fichue paroi !»« Ça, mon ami, c'est ton problème. Débrouille-toi comme tu voudras, mais ne compte pas sur moi. » rétorqua l'un des hommes avec un gros rire, repris en cœur par ses acolytes. Puis, ils ressortirent, verrouillant soigneusement la porte derrière eux. L'oxytornien se leva et s'approcha du géant. Il inspecta et tâta la chaîne, qui le reliait à l'anneau fixé dans la paroi, avant d'estimer... « Peut-être qu'à nous deux, on pourrait y arriver. »« Tu crois ?»« En tout cas, on peut toujours essayer. »« Est-ce qu'on peut vous aider ?» demanda Mazas, qui suivait leur conversation avec attention. « Si nous n'y arrivons pas tous les deux !» commença Melbar, mais Carlo Dobar l'interrompit. « Ça ne peut pas faire de mal. Et comme je n'ai plus qu'un bras, vous pourriez me fixer une ceinture autour de la taille et tirer en arrière pour m'éviter de glisser sur le plancher, car je ne peux pas écarter les jambes pour assurer mon assise. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Les 4 humains élucidés s'agrippèrent fermement aux liens qu'ils avaient passés autour de la taille du lieutenant et les 2 adaptés unirent leurs efforts pour tenter de briser la chaîne. Les muscles titanesques des 2 colosses se contractèrent tandis que la jeune femme et ses amis bandaient les leurs afin de permettre à l'oxytornier de rester debout. Encore un peu! Je crois que ça vient! Haleta l'étrusien. Avec obstination, ils poursuivirent leurs efforts. Et soudain, un des maillons se tordit et céda. Emportés par leur élan, ils se retrouvèrent tous au sol, cul par-dessus tête. Le lieutenant poussa un grognement de douleur lorsque la partie mutilée de son corps entra en contact violent avec le sol. Mais, heureusement pour les Terraniens et le Délian, aucun d'entre eux ne se trouva pris sous les 750 kilos de Carlo Dobar. Melbar Kazam, enfin libre de bouger, se pencha sur son libérateur pour l'aider à se relever. Ils firent honneur aux victuailles qui leur avaient été apportées et, Après avoir satisfait autant que possible la curiosité du natif d'Oxton, ils se mirent à évoquer, à la suite des lumières fournies par Rumla, le sort probable qui les attendait à l'arrivée sur Obiosh. Quand j'étais toute petite, je me souviens avoir entendu mon père parler d'une planète où le potentat local avait remis à la mode les combats de gladiateurs et autres réjouissances se déroulant dans une arène. Il avait fallu l'intervention de l'astromarine terranienne pour mettre fin à ces pratiques dignes d'un autre âge. Donc, l'Aritilco n'a rien d'innovateur en la matière. La discussion se poursuivit, débouchant sur les hypothèses les plus diverses, sans qu'il puisse en sortir quelque chose de vraiment valable. Mais cela eut cependant le mérite de leur occuper l'esprit pendant un moment. Pourtant, les hommes d'action goûtent peu les bavardages stériles, et il leur faut rapidement du concret. On devrait essayer de sortir de cette cellule et de récupérer le contrôle du vaisseau. Asséna l'Oxtornier, dont le caractère bagarreur reprenait le dessus sur les blessures et le handicap dû à son amputation. Ne rêve pas trop, lui rétorqua l'adjoint d'Atlan. Nous n'avons pas d'alliés dans la place pour nous aider à nous échapper. Le déliant baissa la tête à l'évocation de cette trahison, mais le colosse ne l'avait pas mentionné pour en rajouter à ses remords, uniquement pour signaler une évidence. Il ajouta aussitôt: De toute façon, attendons d'être à pied d'œuvre. Il sera alors temps de nous préoccuper de notre avenir. D'ailleurs, je ne le vois pas forcément aussi mauvais que vous le pensez. Alors, vous devez être particulièrement optimiste, répliqua le sous-officier Lamar en faisant la grimace. Réflexion qui amena un sourire amusé sur les lèvres de Kazam. L'homme de l'OMU laissa tomber. Et vous êtes particulièrement pessimiste, sergent. À nous deux, cela fera une moyenne. Chapitre 4, première partie. Depuis quelques heures, les changements de régime des moteurs du Pierre-le-Grand n'avaient pas échappé aux prisonniers qui savaient donc que le vaisseau avait quitté l'entre-espace et que, par conséquent, le but de leur voyage approchait. Cette certitude eut des effets différents sur les réactions des captifs. Alors que le sergent Lamar se rongeait visiblement les sangs, anxieux de connaître le sort qui lui était réservé, Mazas, Rick et le colonel ne laissait paraître aucun sentiment particulier, comme indifférent à ce qui les attendait. Les deux adaptés, quant à eux, semblaient avoir hâte d'en découdre, quel que soit l'adversaire qui leur serait proposé. Depuis le temps qu'ils étaient enfermés entre quatre murs et limités dans leurs mouvements à cause des chaînes qu'ils portaient, les deux colosses ne rêvaient que de libérer leur trop-plein d'énergie. Une légère secousse, suivi d'un balancement qui dura 3-4 secondes, leur apprit que le vaisseau-prison s'était posé. « On ne va pas tarder à avoir de la visite », annonça Rick en regardant sa sœur. Mais ses prévisions s'avérèrent inexactes et aucun forbans ne s'était encore manifesté 6 heures après l'atterrissage, ce qui eut le don de les énerver quelque peu. « En plus, on dirait qu'ils ont oublié l'heure du repas !» maugréa l'étrusien en frottant son imposant abdomen. Étrangement, les pirates n'avaient pas réagi lorsqu'ils avaient constaté que le géant n'était plus attaché à la cloison. Tout au plus, lui avait-il enjoint de se tenir, en compagnie de Carlo Dobar, contre le mur situé en face de l'entrée à chaque fois qu'ils apportaient la nourriture. Nourriture qui, pour l'heure, brillait par son absence. Aux grandes dames des deux colosses, dont le métabolisme basal nécessitait l'absorption quotidienne de grosses quantités d'aliments. Tout finissant par arriver, La porte glissa enfin sur le côté, aussitôt remplacée par le rideau énergétique. Dès que celui-ci fut désactivé, le chariot tant attendu fit son apparition, en même temps que Lara, la Foran, et deux Topinguets armés jusqu'aux dents. Dépêchez-vous de manger. Dans une heure, vos nouveaux maîtres vont arriver. Et le second de Lougarne referma le ventail, non sans avoir gratifié les prisonniers d'un ricanement sardonique. Qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ses nouveaux maîtres ? S'étonna le colonel Ternet. J'ai l'impression que nous avons tout simplement été vendus à des habitants d'Aubioche. Expliqua Mazas. Vendu ! S'offusqua le sergent Lamarre. Hey, vous n'avez jamais lu l'histoire de Rome lorsque vous alliez à l'école ? Se moqua l'Oxtornier. Les arènes et les gladiateurs doivent forcément vous rappeler quelque chose. Eh bien, figurez-vous que ces combattants qui s'étripaient pour le plus grand plaisir du bon peuple étaient la plupart du temps la propriété des nobles romains qui les louaient aux organisateurs des jeux du cirque. Il s'agissait très souvent d'esclaves et de prisonniers de droit commun dont la finalité était de mourir en offrant un beau spectacle. Et dans le cas présent, c'est nous qui allons jouer le rôle de ces gladiateurs. Le sous-officier lui répondit d'une grimace dégoûtée. Pendant ce temps, Melbar Kazom s'était approché du chariot et emparé d'un gigot dont la taille aurait largement suffi à nourrir une douzaine d'hommes normaux. Il y mordit à belles dents, en avala une énorme bouchée et énonça « Mazas a certainement raison. Aussi, vous feriez bien de vous mettre à table et de manger solidement, car nous ne savons pas quand aura lieu notre prochain repas. » Conseil qui fut suivi à la lettre. Chapitre 4, deuxième partie. Lougarne contempla ses captifs d'un air goguenard avant de leur annoncer « Vous allez sortir bien gentiment de votre cage et me suivre. Je vais vous présenter à quelques personnes qui brûlent de faire votre connaissance après les louanges que je vous ai tressées. Ça vous étonne ? Je vous comprends, mais que voulez-vous ? Comme je tiens à vous vendre à bon prix, il vaut mieux que je vante la marchandise. » Et il éclata d'un rire homérique. Je doute fort que nous nous comportions comme de la marchandise docile, s'exclama Rick, rendu furieux par le cynisme du pirate. J'ai pas d'inquiétude à ce sujet. Vous n'aurez guère le temps de déplaire à vos maîtres. Vous serez morts avant. Étroitement surveillés par des hommes en armes, les six compagnons quittèrent silencieusement leur géole et empruntèrent une coursive aboutissant à un puits antigrave qui les amena au pont supérieur. De là, ils furent conduits jusqu'au sas de sortie où ils furent rejoints par plusieurs groupes de prisonniers. Avec soulagement, le colonel constata que son équipage au complet était en vie. Mais sa première impression fut aussitôt balayée par la pensée du sort qui leur était dévolu. Tous les captifs furent poussés en direction du plan incliné qui permettait d'atteindre le sol. Des plateformes antigées les attendaient pour les emmener vers la ville qui se profilait à l'horizon. Un quart d'heure de trajet et ils accédèrent à une esplanade où une dizaine de personnages richement vêtus et bardés de décorations clinquantes, pour la plupart des humains, discutaient tranquillement, confortablement installés à une longue table supportant des boissons et des coupes d'amuse-gueule. Derrière chacun d'eux se tenait un serviteur prêt à accéder à tous leurs désirs. Toujours sous la garde de pirates en armes, les captifs furent alignés en un arc de cercle dont la table occupait le centre. Lougarne et la Foran s'approchèrent des notabilités d'Aubioche et entamèrent une discussion désignant successivement certains des ex-membres d'équipage du Pierre le Grand. J'ai l'impression d'être au marché aux bestiaux, murmura Mazas à l'attention de Melbar. Ce qui lui valut un violent coup de crosse entre les épaules. Silence ! Tu parleras quand on t'interrogera. Comme si de rien n'était, l'Étrusien, sur le ton de la conversation, répondit à la jeune femme. Le tout est de savoir de quel côté de la barrière se trouvent les bestiaux. Le pirate faillit s'étrangler de rage. Tais-toi ou sinon... Sinon quoi? Tu crois vraiment que tes caresses me font peur? L'altercation attira l'attention des acheteurs sur la jeune femme et son gigantesque compagnon. Ils les contemplèrent un moment avant de se mettre à parler entre eux. Malgré la finesse de son ouïe, la Carsacienne ne put en saisir que d'infimes bribes. Mais elle comprit qu'elle avait éveillé l'intérêt de ces messieurs sur sa personne, ce qui lui arracha une moue de contrariété. Ce n'était pourtant guère le moment de se faire remarquer. Un terranien obèse sembla avoir le dernier mot sur ses acolytes. Il fit un grand geste en sa direction. « Toi, ma fille, avance !» Poussée dans le dos par le canon de radiant, elle s'approcha de la table. La tête penchée sur le côté, le gros homme la fixait, sa langue passant machinalement sur ses lèvres épaisses. « On dirait un matou devant une souris », songea-t-elle, sans pour cela apprécier la comparaison. « Comment t'appelles-tu ? » ?»« Mazas Pavel. »« Comment se peut-il que tu sois avec ces gens-là ?»« Je suis mercenaire, et c'est moi qui ai capturé Lugarn et toute sa bande. » Un murmure s'éleva parmi l'assistance, et l'Epsalien, devant les sourires goguenards, rougit violemment. « Elle nous a fait tomber dans un traquenard, et nous n'avons même pas pu nous défendre !» plaida-t-il en fusillant la jeune femme du regard. « Ça n'a pas d'importance. Elle me plaît, et j'aime dresser les pouliches rétives. Je vais en faire ma favorite du moment. »« Tu rêves, gros tas !» Sous l'insulte, le visage de l'homme se décomposa. Il bredouilla quelque chose d'inintelligible, tandis que des cris de désapprobation s'élevaient parmi ses voisins. Lugarn, secrètement ravi de pouvoir se venger de la Carsacienne, remarqua d'une voix triomphante « Tu vois, je t'avais bien dit qu'il n'y avait rien à tirer de cette petite garce. Elle ne mérite que la reine. »« Non, non. Elle a une mort beaucoup trop rapide. Je l'achète pour l'utiliser dans la chasse à l'homme. Elle va voir ce que c'est qu'être le gibier. J'ai justement des amateurs qui attendent une battue intéressante. Je crois que je vais leur donner pour leur argent. » J'espère qu'elle ne sera pas morte lorsqu'ils l'attraperont, mais je veux être là quand elle sera dépecée vivante après que les hommes en aient fait ce qu'ils veulent. Ma petite, tu vas regretter de m'avoir insulté. Chapitre 4, troisième partie. Il fallut à peine une demi-heure pour que le sort de tout l'équipage soit scellé. 41 gardes furent achetés par 3 marchands d'esclaves et les 12 autres destinés aux arènes. La discussion fut plus longue en ce qui concerne les officiers du Pierre-le-Grand. Le colonel Ternet, le sergent Lamar et le lieutenant Karel Hoffman, responsable de la centrale de tir, rejoignirent Mazas pour la chasse à l'homme, tandis que Rick Pavel, Melbar Kazom et Carlo Debar furent désignés pour combattre dans l'arène en compagnie des 4 derniers gradés et de Rumla. L'Oxtornier, vu sa mutilation, n'avait pas soulevé l'intérêt des acheteurs qui suggéraient simplement de le supprimer sans autre forme de procès avant que Lugarn leur parle de sa force prodigieuse qui, malgré son handicap, devrait en faire un combattant redoutable. L'un des organisateurs de jeu décida de l'acheter, mais pour une somme ridiculement basse par rapport à celle de l'Étrusien. Les captifs furent donc divisés en 3 groupes bien distincts, selon le sort qui leur était promis. Le colonel, très inquiet à l'idée du sombre destin qui attendait ses hommes, eut juste le temps de prononcer quelques mots d'encouragement avant d'en être séparé. Au moment de s'éloigner de Mazas, Melbar Kazom la serra brièvement dans ses bras en lui murmurant dans l'oreille « Tiens le coup, fais-moi confiance. » Elle lui lança un regard surpris, mais il se contenta de lui faire un clin d'œil. « Les adieux sont bientôt terminés. » ricana la Foran. « Rassurez-vous, vous ne tarderez pas à tous vous retrouver. En enfer. Il ponctua sa sortie d'un rire gras, auquel firent chorus son chef et le parterre des notabilités. Rick embrassa sa sœur et la quitta avec une petite tape amicale sur l'épaule. Le cœur serré, il songea que le retrouvaille n'avait pas duré bien longtemps. Les prisonniers furent chargés sur les plateformes antigées, selon leur destination, et les véhicules s'ébranlèrent, abandonnant l'esplanade où les captifs avaient été vendus comme du bétail. L'engin qui transportait Mazas et ses compagnons d'infortune se dirigea vers l'astroport de la ville. Là, ils furent enfermés dans les locaux d'un petit bâtiment bas qui abritait les services de sécurité du complexe aéronautique. Pendant leur détention, ils furent correctement nourris et laissés au calme avec une salle de sport à leur disposition. La Carsacienne mit à profit ses moments de tranquillité pour y parfaire sa forme physique et elle invita ses camarades à faire de même. 72 heures après leur arrivée, ils furent sortis de leur géole, fouillés à corps pour savoir s'ils ne dissimulaient rien qui puisse ressembler à une arme, puis invités à monter dans un petit aéronef. Où ils furent attachés sur leur siège à l'aide de liens magnétiques. Deux soldats armés de radiants s'installèrent dans le couloir, un à chaque bout de la carlingue. Après une ultime vérification de leurs entraves, le pilote regagna son poste et fit décoller son engin. Et voilà pour la quatrième partie de « Les arènes d'Aubioche » d'André Bory. Suite le mois prochain. Les interprètes, Adore, Alexandre, Atumi, Bernard, Christian Martin, Christophe, Christophe Hubert, Ezwa, Fred, Kael, K00, Mario Fecto, Mika, Pierre et Torek. Vous pouvez retrouver ce roman d'André Bory sous sa forme livre audio à mazas3lavenir.canalblog.com. Et maintenant, quelques infos sur nos activités. L'arrivée de trois nouveaux volontaires ont débloqué des choses dans le projet de la mise en version audio de la quatrième aventure de Mazas, Les Conjurés de l'Aspar. De fait, j'ai pu monter jusqu'au chapitre 5 de la nouvelle aventure. Bon, ceci dit, la grippe va de nouveau mettre le projet sur la glace, mais ce ne sera que pour quelques jours. Du côté des nouvelles de Edgar Allan Poe, les choses avancent également, mais il reste encore quelques nouvelles non encore distribuées. Aussi, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Il suffit de me contacter à terran932@yahoo.com. À titre d'essai, j'ai mis en place une web radio sur la plateforme de Radionomie qui reprend certaines de nos productions. Vous trouverez le lecteur sur le blog à lavenirradio.canalblog.com. ainsi que directement sur Radionomie à radionomie.com/fr/radio/l'avenir-radio, en un seul mot, -v2/index. Mentionnons enfin que l'émission que vous écoutez est disponible sur la page qui lui est consacrée sur Canal Blog à l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur Soundsmap à soundsmap.com/fr/édition. -la-venir et en transition sur Podomatic, l'espace étant compté, à l'avenir.podomatic.com. Ainsi prend fin cette quatrième émission de la nouvelle série. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes nos productions à l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.